peur de rien, mais il respecte sa mère. Oui, sur le terrain, qu'il bluffe ou que les flics s'amènent. On le voit souvent, capuche sur la tête, un œil sur la tête. Trop la dague, je monte du doigt et t'arrache ton index. On sait que t'as des couilles, mais elles sont grosses comme manches. Ça met des KO au livreur, leur défausse demande. Pour appâter les meufs, il leur fait fumer du canapé. Quand ton grand frère le sort du tram en train de faire le canard, alarmant. Petit a 200 d'aide, il roule sans permis, mais des pompes à 200 Hz. Ok, pour ça, il vagabonde jusqu'au puits-dôme. Vite ton sac, tu dis pas que c'est du viton. Convocation, il a arrêté l'école là. Sur l'éducation, la rue, il est pas arrêté les collages. Il dit qu'il a 18 ans, on sait qu'il fait pas son âge. En attendant, il se fait la main sur un premier cambriolage. Génération tarée, qui veulent tous se barrer. Qui veulent des grosses femmes qui t'accompagnent en maison d'arrêt. Car ils sont tous égarés, les petits refrains, ils en gosses. Les grands tous, quel bonheur, tu tombes dans une maison close. Génération tarée, qui veulent tous se barrer. Qui veulent des grosses femmes qui t'accompagnent en maison d'arrêt. Car ils sont tous égarés, les petits refrains, ils en gosses. Les grands tous, quel bonheur, tu tombes dans une maison close. Petit grandit. Il connaît les Bahamas, les bandits. T'en passe surtout quand pas les grands ramasses, il brandit. Une arme à feu qui veut lui mettre sur du brandy. À l'hôtel, il baisse des petits poufs à lunettes, je l'apprendis. Connais les tarots de l'internet, en cellule. Mais des taux, des barreaux sur internet, affranchi. En tout cas, c'est le constat, ils veulent brûler les étapes, courir sur les pas qu'on a franchi. Oh, hé, hey, viens voir ici, tu sais que chez nous, ceux qu'on pète pas sont à résine, même si y'a de la résine ou des gros chats sur un bateau. Fais pas de cadeau, je sais que tu veux le salaire à bateau, mon gars. C'est vrai qu'on soit tous dans une bête, si t'es en règle, devant les kids, t'es en bête. Moi, je crois fort en les petits de ma ville, même si ça, que c'est le bif qui équipe la vie. Un conseil, crois fort en la vie que tu aimes, même si t'es un teubé, agis comme l'intellectuel. Mais tes principes agiront principalement, tes couilles feront que tu rouleras dans une berline allemande. Génération tarée, qui veulent tous se barrer, qui veulent des grosses femmes qui t'accompagnent en maison d'arrêt. Car ils sont tous égarés, les petits refrains, ils en gosses. Les grands tous, quel bonheur, tu tombes dans une maison close. Génération tarée, qui veulent tous se barrer, qui veulent des grosses femmes qui mais qu'est-ce que tu fais là? Bah rien, je suis là. Moi, regarde les yeux que t'as. Un vrai chinois. Bah non. T'as bu combien de bouteilles là? Deux. J'ai bu deux bouteilles. Ouais, tu dis ça aujourd'hui. On verra demain quand tu seras en prison. Mais je m'en fous de la prison, moi, j'assume. Ouais, c'est ça. Je disais pareil moi quand j'étais petit. Bah, mais je suis déterminé moi. Ouais, t'es un homme, ouais. Ouais, je sais, ouais. Ouais, t'as des couilles aussi. Bien sûr, j'ai des couilles. Ouais. Allez, rentre chez ta mère.